Vous êtes plongé dans le mix de Ludovic. C'est maintenant. Je suis un être à la recherche. were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. I don't believe. taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old theme since 1916. In your head. Shuck on shuck, we bar. Can I go, ah, gone. Deuces, goodbye, I got a world to see. Girl, she wanna see Rome. See, some make you a believer now. Nah, never ever did it for a throne. That validation comes, so giving it back to the people now. Sing this song, it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. Got my city right behind me. If I fall, you got me. Learn from that failure, gain humility. Then we keep marching, I said. Yeah. till it's over. And so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Gâté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Bien sûr. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Contresens, ma chérie t'as contresens. Putain où tu étais quand je mettais des 5 euros d'essence. Tu veux nous faire la guerre, par Dieu c'est bay. Ça prend ton OG, ça prend ta gadji, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la keo. C'est Marseille bébé, ça m'est rassé dédé. Wesh alors ma race. Tranquille ou quoi? Crème dans la chop, j'fais 0 à 100, 2 secondes 3. Guitarisé, oh, ACDC, oh, on se croit, c'est sûr, j'ai tétanisé. J'ai passé la blague à Chiquita, 2 mois après j'l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, j'suis un abat, j'suis un déjà quitté. J'suis le capitaine, j'vais les décapiter. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 au G-Sport, j'passe la douane, les rapports. Nique ta mère sur la canne de pierre. T'es mort sur le vieux port. Miamol, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne de pierre. Nique t'es mort sur le vieux port. J'suis la zone sans casse sur un scooter quitté. Oublie la scène, tout à l'heure t'a quitté. J'suis ailleurs, c'est de la moula que j'ai frité. Depuis tout à l'heure que ça me nique mon briquet. Rafale, flow, bazooka. J'ai des potes qui se déplacent au cas où. La moto elle fait brem, brem, brem, brem. Tout sur la demande à Tico. J'suis dans le game en claquette sur vête. J'vois que les folles qui parlent de moi sur net. J'suis sous potion, l'acheteur de 3 sur le pet. Au fait, on grimpe, envoie les zéros sur le check. Toquez pas ça, à la cabeza, gratata, pour les mapés ça, toquez pas ça, à la cabeza, gratata, pour les mapés ça. Plus besoin d'aller chez Lacoste, depuis que je fais doré de platine. Et sur Twitter, je vois leur post, nique leur mère, ce qui parle mal de la team. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Hasta luego, faisant. La technique, le flow de malade. Artistiquement, on se balade. T-Max, Cascara, et recherché à Cash Mara. Je lui envoie une frappe imparable. Je fais couler son mascara. Le J, c'est le S. Genre le RS. Une Yas épaisse, elle est belle et qu'un APS. Le J, c'est le S. Genre le RS. Une Yas épaisse, elle est belle et qu'un APS. Yo, c'est ton baratin. T'es qu'un fils de baratin. J'commence le rap avec 7 et 3. À la rivière, j'ai touché la quinte. Yo, j'vise l'or, le platine. À la base, c'était les assises. J'suis un peu de Zampa, un peu de Zizou. J'offre un Ricard à Poutine. Les trafiquants dans le bâtiment cavale comme Usain Bolt. Je connais le maniement de mon département. Le soir, pour te froisser ta gold. Et ça fait Zumba, caféo, caféo, carnaval. J'suis dans le 4-4 teinté. Pisté par la banale. Et ça fait Zumba, caféo. Par la banale. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pissé par les banalisés. Hasta luego, faisant. Hasta luego, faisant. Hasta luego. Hasta luego. Égal, illégal, alpha, oméga. On fait coup d'état, balle dans la tête, c'est la cuenta. Poursuite, y'a les bleus. Serais-je sorta bleu. Terre-terre qui dans logistique. Par terre, tu sens balistique. Achou-chou-cha. C'est une salvatrucha. Trafic haram. Marseille, on trouve des cadavres. Marseille, hala. Plus d'âme, les petits pas salades. Mili, je veux Mili comme l'OVNI. C'est Fiat, tout âge, j'l'ai fini. Ya, yeah, on ira l'ami ennemi. Ya, yeah, on ira l'ennemi ami. Ya, yeah, j'ai les poches pleines, tu me suis. J'ai fait le calcul depuis le calcul et lui. Ya, yeah, comportement dans la zone. Ya, yeah, comporte avec les hommes. Ya, yeah, garde la pêche, moi j'ai la forme. Forme, t'es mini qu'on te déforme. Car c'est trop vrai, t'as le regard et le fond mauvais. Quand j'galère, toi t'es refait. Oli t'es mauvais, ta gadji on la connaît. Au parloir elle a tourné, cogné par des prisonniers. Tu dois des sous, sous, sous. Tu fais la malade, elle est boum, boum, boum. Pour de la monnaie on te clic, clic, boum. L'alcool on la glou, glou, glou. Tu dois des sous, sous, sous. Tu fais la malade, elle est boum, boum, boum. Pour de la monnaie on te clic, clic, boum. L'alcool on la glou, glou, glou. Wesh. Tu veux pas la guerre, mais pourquoi tu allumes la mèche? J'suis dans la zone, j'évite les putains, wesh. Moi j'écoute pas les gens et ma Clio elle est sur les jantes. J'fais que fumer le jaune, des fois avec un peu de Marie-Jeanne. Hier j'étais bleu, j'voulais un Porsche, j'étais bleu. Y'avait le pain, on était plein, y'avait pas un, on était deux. J'suis dans le bloc ma biche, dans la zone c'est chacun sa quiche. Y'a eu des traîtres, nique sa mère c'est rien mais à liche. Mon quartier a de la vente, la nouvelle berge paye en espèces. Fait belle qu'y a les gendarmes, ils sont loin c'est bon stress. C'est tout pour la plata, retour de flamme, fou marmata. Ça danse en équipe, sur le champ des ratata. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Hasta luego Fesa. J'suis rabat, j'suis vite pété. Bébé, elle donne ça bien. Bébé, elle fait ça bien. J'vois la rue en 1080 full HD. Les petits vont faire ta voiture au boîtier. J'suis en fumette, j'suis PTT. J'suis en buvette, j'suis PTT. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Archem, y'a rien d'officiel. J'mets la gasolina dans la vitelle. Avec la Volvo, j'la vois en moins vilaine. J'ai les plans dans ma tête, j'ai la barre. Avec 310 rue du monte à bord. Y'a que les gros montants qui me donnent la barre. On se fait lever à 8h dans la barre. Doucement, doucement, doucement, pourquoi mon ref a retourné sa veste. Au quartier les jaloux, on est vesquis. GS 1250 la béquille. Tu prends le pénalty avec des tracks. Dans nos narines on ne met pas les trucs. Ils font que les transactions sur fut. Ils font que les transactions sur fut. Refouillé fou de la gâchette. 3 fois X le prix de la cassette. 125 ça nique la bavette. État normal en état d'ivraie. Je suis rabat, j'en plus la vitesse. J'ai fait sentir la boîte de vitesse. Calcine à mort, j'diminue le stress. Je suis un raclo qui vient des 3F. Bébé, pourquoi tu m'as AF. T'auras pas le LV ni le Chanel. J'ai confiance en moi, pas en toi. Donc j'fais Belek à la manana. Ça prémédite comme à Atlanta. Tout est final, ça va s'arroser. Tu fais l'over, abat tes souris. Yeah, fous ma gueule. Belle divo, vaut trois fois filtre. Elle me demande ce que j'fais dans la vie. Charbon moula, ça va vite. Belle divo, vaut trois fois filtre. Elle me demande ce que j'fais dans la vie. Charbon moula, ça va vite. Y'a la CR partout dans le bloc. J'suis rabat, j'suis vite pété. Bébé, elle donne ça bien. Bébé a fait ça bien. J'vois la rue en 1080 full HD. Les petits vont faire ta voiture au boîtier. J'suis en fumette, j'suis PTT. J'suis en buvette, j'suis PTT. J'aime quand baby donne ça bien. Baby parle pas trop latin. J'applaudis jusqu'au matin. J'aime quand baby donne ça bien. Baby parle pas trop latin. J'applaudis jusqu'au matin. C'est le mix by Ludovic. Ça dit quoi? Pense qu'à faire du bénéf. On fait pas dans le détail, tu veux ma part, mais dans tes rêves. On dit quoi? Je rabat, garde la pêche. Gucci, Gucci, Fendi, je me prends pas la tête. Je suis avec mes stars là, elle veut venir à ma table. Où veux-tu qu'on aille, je veux rester dans le club. On descend en bas et puis on boit à ta santé. On descend en bas et puis on boit à ta santé. 1, 2, 3 soleil. Mon gars si tu bouges tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle si tu bouges tu vas finir me noter. Ici c'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens. Tu bon qu'à ça. J'embrasse le compas et quand j'arrive, je blinde la salle. On arrive par derrière et la sécu libère le passage. C'est moi qui mène la danse, c'est la débauche qui gère le cassage. Raconte pas tes salades, tu peux pas financer. J'suis dans les merdes, tu veux faire l'ancien. Tu fais la hure, tu prends la pure, mais tu te fais garade. Tu fais la hure, tu prends la pure, mais tu te fais garade. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me noter. Ici, c'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens, nous rend dingue, monsieur l'agent. C'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens nous rend ennemis, c'est l'argent. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me noter. Me noter. Je sors de la veste, je mets plus les mains en l'air. Soavemente, pesame. Je sors de la veste en moteur italien. Soavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels. Oh bébé, t'es douce, maman, comment t'es suave. Les yeux revolver, c'est une beauté criminelle. Suavemente, besame. Sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente. J'écoute pas les ragots. J'suis à Monaco, le poteau fume la gelato. Si pronto, elle est belle, elle veut une photo. J'l'emmène à Phuket et on se balade en moto. Oh madre mia, j'vais arriver et puis j'suis ya. J'vais prendre tout ce qu'il y a, j'm'en fous, mais l'alamia. Ouais, je danse le mia et je dodo dans l'avion. Fierté d'un DZ, c'est moi qui paye l'addition. Suavemente, besame. J'sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. J'sors de la baisse en moteur italien. J'fais de l'or, maintenant j'fais de l'or. J'ai quitté la rue discret comme Manu Lecoq. J'fais de l'or, bébé j'fais de l'or. J'ai quitté la rue discret comme Manu Lecoq. Suavemente, besame. J'sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Sors de la tête en moteur italien. Comme Enrico, okay. Mais mon premier c'est trop hala en écho. Millions d'euros de déco, sois pas jaja, c'est ma pinko. Moi j'prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la NG, j'volé jusqu'à l'NG. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à l'NG. Et la Zina elle s'habille tout en Fendi. J'suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. J'suis dans des bagues de fou, tu vois c'est pas compliqué, okay. Quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. J'ai l'alarme. Tu peux fumer, j'ai mis la soquette sur l'alarme. Qui t'a dit que j'étais fauché? Je viens d'atterrir au bouger. Dans le fond, tout m'a coudé. Je les vois tous jalousés. Je suis très organisé. Des petits chats m'ont bougé. Je suis en MP tout l'été. Le Roro, je n'ai pas fêté. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. J'suis dans des bagues de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Je te connais par cœur, je sais qu'on veut encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. My best life. Ça veut rien dire, les petits veulent du respect. Tu fais chaud, tu restes pas à 4. La boca, j'ai ralasse la boca. J'ai cramé l'enveloppe, maintenant j'ai plus Warda. Ali, quand t'es à Capuco, je suis défoncé, je mets les couettes de Puka. Puka, Puka, danse le Mapuka. Il me faut des bonbons, je dois passer chez le Pat 4. Alors, Apu, comment va l'ami? Mets-moi un mélange, garde le reste, c'est l'ami. Il sert les craquettes de la chapelle. J'y vais pour pas quand les meufs m'appellent. Y'avait pas un, j'avais la dalle. Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. T'es qu'un client, allez, Nacha va te défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. J'suis dans le bloc, bloc dit eux caché dans le froid, froid. On bosse au black, black, on fait des sous dans le bac. Y'a de la drogue à d'Acapulco, c'est de la bonne jaune fraîche comme du pulco. Vu la qualité, j'en mets un poquito. On arrange personne, même si t'es le poteau. Boum boum dans la couette, j'fais du tam tam, j'tire ses couettes. J'm'invite à ta fête, vas-y j'débarque, j'arrive tout de suite. J'ai pas de go, et ma go a pas de gars. Si t'es plein, on pas gaffe, et c'est pas grave. Si t'as pas nous, on donne, t'as besoin de téléphone. Depuis que j'ai 60k, les gratteurs veulent des pubs. Ils ouvrent leur cul, me demandent sans scrupule. Mais moi j'ai rien vu, là, j'ai rien vu. Mais tu la vends juste pour fumer. T'es qu'un client, allez, Nacha va te défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. J'suis dans le bloc, bloc dit eux caché dans le froid. On bosse au black, black, on fait des sous dans le bac. J'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M'den le go, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone, on prend la droite, ça fait des pères, ça crie aha. Dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M'den le go, Magadji, c'est Petrushka. J'fais des boulettes, c'est des cratères. Normal, c'est de la frappe. Cheval sur la canne bière, torse nu comme Poutine Vlad. Bastos dans la cabeza, y'a des kilos de peuf dans les valises. J'suis à Ibiza, des bouteilles en fusillade, j'ai cramé la visa. Et ça fait spasi, va bolcho, y'a vodka, coca, das, vidania. Fume de trois barres de mon pétou, tu te retrouves au monde de Narnia. Pas le même vécu, pas le même pécu, pas la même sécu, pas le même chrome. J'arrive comme Tony, j'arrive comme Zepet, armé comme dans la cité des hommes. Ludovic. Dans la zone, avant la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Et dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M'den le go, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone, avant la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M'den le go, Magadji, c'est Petrushka. J'roule la pète ou t'es bête, hein. Si tu brilles trop, on t'éteint. J'roule rabat en tété sur TikTok, Twitter, en tété. J'traîne pas à Phuket en pépé. J'mets les lits dans poussette du bébé. Ça tape, j'vais toucher dans l'évier. Pas l'axoso, oui, ça va péter. En jogging sur un deux temps, j'encaisse, souris, Didier Deschamps. J'peux rapper, j'peux t'échant. J'peux jouer en attaque et en défense. J'fais 6, j'fais 100, j'fais 1000, j'fais 100. Débile, méchant, qu'un sauce d'éther. Pas de chip, pas de grand, pas de chip, pas de danse. Pardi que j'avance, qu'un sauce d'éther. Dans la zone, on voit la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Et dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M'den le go, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone, on voit la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. Lamborghini, pas de gauche, c'était la Vidroni, ça coûte cher. Champs-Élysées, mon frère, nouvelle Tremont, doudou de Montclair. T'es mal à la carte bancaire, à Anvers, les diamantaires. J'sais même plus comment faire, j't'ai ma tous vos commentaires. J'fais deux, trois bar mitzvah, bar mitzvah, mon baveu à la kippa, à la kippa. J'fais deux, trois bar mitzvah. Le costard à 10 balles. Elle dit qu'elle me connaît, comment ça? Elle veut que je m'abonne, commence pas à demander pourquoi on danse pas. Hein? Pourquoi on danse pas? Elle m'a vu sur Snap avec Naps. Oui, sur Snap avec Naps. Avec Bonji ou avec Tams. Faux filas des favelas. J'fais 2-3 bar mitzvah. Je connais plus l'échec. Toujours titulaire comme Keita Sheik. que les négros hors de mode. Passe un coup de fil, y'a des peu frais sur que moi. Tu me passes sur les réseaux, tu t'aimes à mes clips. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. Tu es toujours en apnée. Cette bâtard, je le sens pas. Tu te butes à la yuka. On se bute à la peau. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, Fox si t'es pas de ma team, Paname c'est la Champions League, on baisse tout en Champions League, Paname c'est la Champions League, Fox si t'es pas de ma team. On baisse plus en Champions League, Paname c'est la Champions League. Les gars va m'ont dit, bombardez-les. C'est PD s'approche, font semblant de m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner, ridé, je suis fournier. Gros à part ta lumière, tu vas rien allumer. Un job dans la main, mais qu'est-ce qu'il va faire. C'est bête, d'avoir les couilles vides, y'a un 9 mm. Trop duc, on t'a pas tiglé, lève tes pas, c'est pas le maître. Amis-toi à droite, amis-toi à gauche. Tout le cas, tu crois qu'il est riche. T'as ça, tu par là, Gucci par là. La malade au frigo est vide, par ta main de mon épaule. Si t'es pas de mon équipe, le téléphone sonne, je peux pas rester tranquille. L'atmosphère est tendue, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, Fox si t'es pas de ma team, Paname c'est la Champions League, on baisse tout en Champions League, Paname c'est la Champions League, Fox si t'es pas de ma team. Après la pluie, le beau temps. Ludovic in the mix. Oh. coming at you. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce up. Yeah. Everybody dance now. Let's go. Y lo no lo sé. Ndolose Zuhamdinam Dawoyami Alikolana Busowami Aukolana Ndolose

c'est ça la même en paix. Y'a plus de job, mais allez, change un pâté. C'est la bitch is love, pas que je kiffe. Faut que ça chope, le plan est gâté. J'en fous que ça la même en paix. Y'a plus de job, mais allez, change un pâté. C'est la bitch is love, pas que je kiffe. Faut que ça chope, dans le bis. Sans trafaut, bien que ça me serve. Faut que ça chope, tranquille. J'observe, faut pas que ça me stresse. Faut que je la chope, Broly. Mon tube si c'est nécessaire. Faut que je la chope, Elle est bonne sa mère, j'ai le seum. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Dans le mix de Ludovic. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie. Si je fais le tour du monde, bébé, je suis dessous, je rentre tard. C'est léger, je suis pas trop fait tard. Je suis les ouais, je roule sur la costa. Ma tête sur tous les posters. J'ai pissé tout là-haut, écoutez jusqu'à ma tao. Tu critiques mes techno, là c'est sous le king et charron des chaos. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Encaissé de qui je t'en ai bon pas ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui le fait danser. Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui le fait danser. C'est trop de la dé, c'est plus la même qu'avant. Chacun le croit pas qu'on t'a zappé. On va te chercher dans toute la France. J'veux bouger le tisme, j'veux partir le posma. La zone elle est mineuse. Faut vestir les menottes. Charlie Delta au quartier latin. Togo Jota ou Kiki Lotin. Méchant, méchant, on a gâté le coin. Car depuis longtemps on est culotté. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie. Si je fais tout

je récupère de la moula, j'ai même pas des saoulés. Eux sont foirés les méchants, tu me reconnais, les deux bois, les showcases, les tempêtes de la monnaie. Donnez-moi de la moula, une bouteille de collage, j'ai même pas décollé. Qui t'a compressé, c'est pour mieux décompresser. Demande au V, c'est pas durable de caissier. Les aristocrates sont là que pour encaisser. Caissier, encaissé, je sens que je vais tout casser. Totorina, juste avant son décès. Guitarisé comme un mec d'ACDC. Donnez, donnez, donnez-moi de la moula, gars. Donnez, donnez, donnez, donnez-moi de la moula, gars. Donnez, donnez, donnez, donnez-moi de la moula, gars. Donnez, donnez, donnez, donnez-moi de la moula, gars. Musique, streaming, bouteille, parking. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit. Je t'aime, oh, affranchi contre le game. Embrouille XL, terrain, ficelle, ouais. Raptas à toi, je vois des pixels. Eh, hey, nous c'est les grands du quartier. Ouais, nous c'est les grands de la thèse. Problème, Balek, Brésil, Sadek, Benef, Chenef, Philippe, Patek. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit. Les magiques, tartin génial, poli spécial, safran, mégane, stomy, vegan, régal, siroc, belvé, grégousse, végé, repu, séché, dolce, versace, c'est léger. Gaufrette, pétage, fichier, gardave, dépôt, bien équipé. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula. J'suis en esprit. T'es trop séduisante, t'es tellement chouchou. J'sais pas ce qui s'est passé. J'repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. J'fais mieux t'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier le passé. J'peux pas oublier le passé. Oublier le passé. T'es tellement chouchou. J'peux pas t'effacer. T'es la plus belle des étoiles parmi les autres. Je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi. Il me reste une place auprès de moi. Les projecteurs sur toi, c'est fou. Ouais, tu sais, je viens parano des fois. Quand je reste seul, direct, je pense à toi. Et ça fait clic, clic, clic, pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'es tellement chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais reconnaître ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je ferais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Et ça fait clic. DJ Benz, bitch. Ludovic. La carte dans mon mur, mon cœur est déjà pris. Je sais comment je vais la prendre, mais j'ai pas payé le prix. En ce moment, je suis dans le truc, l'ambiance est électrique. C'est moi l'homme de la maison, toi ta femme te met la trique. Quand je suis dans le check, son, vas-y, mets le son. Quand c'est Daddy dans le même sens, c'est nous les hommes. J'ai pas changé d'horizon, reconnaissant. Quand c'est RK dans la maison, c'est nous les hommes. T'as sorti le dernier GS, je m'en fous. La Clio ou la Mercedes, je m'en fous. Et quand même, ou quand me déteste, je m'en fous. Tu pillages, tu rends fou. Dans le secteur, y'a des mythos, des corteurs. J'ai tout mérite à l'inspecteur. J'ai le quartier dans le cœur, à jamais dans le cœur. Dans la cité, rata, c'est le halal. Paris, l'eau, quoi que je me tais, je dis au-delà, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. c'est le son qui te reprend ta licence. Moi pas qui frappe, c'est le roi, ça en barre. Dans les textes, dans les boîtes, dans les Porsche. Numéro 1, n'en doute pas. Wattie B.A.K. et le bateau qui coule pas. On se voit après l'apéro. Guapa, te quiero. Yeah. by Ludovic. Ouais. Une affaire magique, si c'est bon, ça se voit pas. On doit bouger, on est l'ambiance, on fait le show. C'est ça le zoom. Eh mon ami, faut danser. On dit faut libérer, on libère les gars, on libère. On libère, on libère, on tend les mains, on bouge les pieds, on bouge la tête. Zouglou kata, zouglou kata, zouglou kata. Tu reprends ta corde à sauter. D'accord? 1, 2, 3, 4. Corde à sauter, hey, hey. Corde à sauter, hey, hey. Doucement. Tu prends ta corde à sauter, tu fais doucement, tu te mets en position et c'est bon ça. 1, 2, 3, 4. Corde à sauter, hey, hey. Corde à sauter. Vous savez toujours pas bande de cochons. Hey, bande de cochons. Content, toi tu n'es pas content. Ça, ça s'appelle la jalousie. Mais ne t'inquiète pas, on a quelque chose pour toi. Ferme-la, ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-la, ferme-la. Donc au bitambo, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Elle est à

J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Chaleur des îles, mademoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils, je deviens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile, je le serai avec elle. Perso, je les ai bien aimé tes photos. Oh, oh, oh. Ça a même joué sur ma libido. Oh, oh, oh. À l'objet, tu as fait avaler ton chapeau. Oh, oh, oh. Quand je te vois à la télé, dans mon poste, ça vient sûr. On stoppe les conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais trop qu'elle m'aime.